C'est très bizarre de l'entendre parler. Allez, allez, alors s'il vous plaît, le public, si on peut s'asseoir. Putain, vous êtes dissipé, hein. Alors, pas de flash, s'il vous plaît, vous éteignez les téléphones portables. Allez, allez, hop, hop, hop, là, on... Sébastien, attention au fil. Bon, Ulysse, je te dis pas de t'asseoir. Nous sommes en 1792 dans les champs de coton de John Caffey. Caribou voulait améliorer sa condition d'esclavage. Il va voir son maître. Je suis désolée de devoir vous rapporter cette situation, mais je pense être plus utile en vous secondant qu'en faisant le travail de n'importe quel esclave. Qu'est-ce qui te fait penser cela ? Nous sommes tous d'accord que le contremaître Jacquard n'arrive plus à remplir ses fonctions. Crois-tu pouvoir diriger mieux les esclaves ? Quand Lila et Lapin ont eu un problème, c'est moi qu'ils sont venus voir pour trouver des solutions. Je dois d'abord en parler à Jacquard. Jacquard, il semblerait que tu sois fatigué de tes fonctions. On m'a fait part de ton inefficacité. J'ai toujours fait mon travail. Que pourrais-je faire de plus ? Peut-être. Mais les esclaves se plaignent. Comment peux-tu ne pas l'avoir su ? Les esclaves qui se plaignent sont des esclaves qui ne travaillent pas. Est-ce que le travail s'est arrêté ? Les rendements pourraient être meilleurs si le contremaître était apprécié. John Caffey nomme Caribou contremaître. Lila, Lapin et Jacquard, nous avons plusieurs choses à faire aujourd'hui. Préparer le repas, nettoyer les cuisines et ranger la récolte dans le hangar. Le plus dur est la récolte, je m'en occupe. Je préfère préparer le repas. Tu me dis toujours que je suis le plus méticuleux. Je m'occuperai donc du nettoyage des cuisines. Allons-y, nous sommes une équipe formidable et soudée. Le soir, Jacquard va voir Caribou. Ah non, c'est bon. Ah, chacun s'en alla, pardon, à sa tâche et Caribou partit voir le maître. Tout est bon pour aujourd'hui. Je m'en suis occupé. Les esclaves sont contents. J'espère que ça ira mieux maintenant. Le soir, Jacquard va voir Caribou. Je ne comprends pas. Pourquoi tu as pris ma place ? Rien n'a changé. Tu n'es pas assez sensible pour te rendre compte que l'ambiance est bien meilleure maintenant. De ton point de vue, puisque tu ne sais plus rien. Tu ne fais plus rien. Tu ne sais rien, tu ne fais rien et... On t'emmerde. Merci. Bruno, le groupe, s'il te plaît. Le groupe de Bruno, s'il vous plaît. Arrête de filmer, bien joué. Allez, c'est à vous. Salut tous. Est-ce que quelqu'un a témoignage sur la peur et aimerait prendre la parole dans cette grande assemblée ? Surtout pas, n'y va pas. Je sais bien que tu as trop de choses à dire, mais c'est vraiment pas le moment. On n'est pas capable. C'est pour toi. C'est où ? Mais si, on est là. Personne idéale pour y aller. On est la personne idéale pour y aller. On a tous les temps, Père. Il faut aller les dire, témoigner. C'est maintenant important. Là, je vois une personne très courageuse qui lève la main. Venez, n'ayez pas peur. Non, mais t'es malade, non, mais je t'avais dit de pas y aller, on n'est pas capable, on va tomber dans les pommes, tout le monde va se foutre de notre gueule. De toute façon, c'est trop tard, on est déjà debout, si on se réassoit, tout le monde va nous plaindre pour une marionnette, vas-y. Bonjour, voilà, je viens... S'il vous plaît. Bah alors, je voulais dire... Plus fort, on comprend rien. Ben, je voulais dire... Allez, accouche. Bah oui, j'ai peur quand les gens, ils sont trop virulents. Mais c'est n'importe quoi, ferme ta gueule, on est non-violents. C'est où? Je te l'avais bien dit, on est mis, on est nul, mais fou le camp. Laissez-la s'exprimer. Anna, vas-y, mais fais pas trop loin, s'il te plaît. Alors, je pense qu'il va falloir changer le format de ces assemblées, parce que là, vous me faites peur. Comment parler de la peur quand on a peur? Tu vois? Tu as parlé! Tu n'as plus peur! Tu n'as plus peur! Ah bah, c'est bon. Ouais, c'est pas grave. Ah oui, vas-y, tu n'as plus peur! Bah. C'est fini? Non, si, moi j'ai pas dit la mienne encore! Ah oui, tiens, c'est vrai! La chute a été manquée! C'est pas grave! Ah! Alors, le thème de l'assemblée du jour que l'on va aborder est très grave. Il faut absolument qu'on en parle et j'ai une solution à vous proposer. J'étais à la Défense, il y a un mois d'occupation avec des célébrations et des manifestations avec toutes les personnes dans la même assemblée et j'ai tout filmé, donc moi je peux vous le dire. Non, moi je crois qu'on n'y arrivera pas, que c'est inutile. On ne verra pas les mêmes choses. Moi, j'ai mis dans l'autre. Attends, c'est bon bain ? Je vous laisse. Et je reviens plus tard. C'est indispensable que tu restes. J'ai besoin de toi ici. Tu partiras après le prochain tour de parole. Je vais être direct et franc avec des paroles simples et précises. Toi qui parles de la Défense, tu es tranquille de ne pas avoir raison. Avant tout, j'ai appris qu'il est important d'écouter et comprendre. Chacun a une opinion. En assemblée, on parle beaucoup et on ne fait rien. Attendez, il faut se recentrer sur le... Bon, moi, je peux pas... Attends, merde. Pardon, excusez-moi. Moi, je peux partir. Non, attends, tu partiras au prochain tour. Je disais donc qu'il faut trouver une solution à un problème. Et je propose... Attends, il y a D qui veut parler. Mais je ne veux pas parler. Tu as raison. Je crois qu'il faut qu'on parte tous. Il ne se passe plus rien ici. Bon, ben, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut alimenter ma bouche. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce qu'il faut, c'est pas de discours raciste ou homophobe. Sinon, il faut faire des propositions sur l'immigration et la discrimination. Ici, il n'y a pas de discrimination. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai une solution à notre problème de communication. Je peux prendre un tour de parole? Oui, tu parleras à ton tour. Je voulais donc dire... On n'est pas politique, selon mon expérience magnifique. Franchement, je sais pas. Enfin, je sais pas ce que je voulais dire, d'ailleurs. Et je vous cause. Je voulais vous dire que je sais ce que nous devons faire. Mais l'important, c'est le respect de la parole et de la personne. J'étais à la Puerta del Sol, tout le monde s'écoutait. Bon, là, on n'arrive à rien. Ça part dans tous les sens. Tu ne peux pas comparer la Puerta del Sol avec l'Arc de Triomphe. C'est de là que viennent les ordres. Les Champs-Élysées, c'est là que tout se décide. Si vous permettez, je passe le micro à... D, c'est à toi. Je. Merci. Ouais, si tu... Ouais, je peux le faire. Donc maintenant qu'on a fait les scènes, on va partir en débat sur ce que vous avez joué. On fait le même débat. Pire, ceux qui ont joué les pièces, ils disent ce qu'ils ressentent. Et, donc en fait, on va faire comme ça. Ceux qui ont joué les scènes. Attends, je... C'est ça. Non, vas-y, fais le. Non, mais attends. Alors maintenant, nous allons passer au ressenti de ce que vous avez fait. Mais non, Boris, viens l'expliquer. Ben voilà. C'est ça. Je me suis mis dans le personnage, je suis désolé. Mais je sorte. Attends, faut que je... Bon. Donc, comme je... Arrêtez de rigoler si vous voulez devant. Donc comme je disais, on va ceux qui ont fait les pièces vont dire leur ressenti par rapport à la pièce et ceux qui les ont écrit vont dire comment ils ont ressenti les gens qui l'ont joué. Donc on invite tous les groupes, le premier groupe qui a joué à venir, s'il vous plaît. Non, on parle au micro. Ok. Donc le premier groupe, ils sont là. Le premier passage. Premiers acteurs. Non, on peut rester à part. Oh ouais, ce sera bien de les voir. Allez, si, alors les voir. Oui, mais on fait souvent ça en assemblée, on fait des chacun dira son petit. C'est une horreur votre texte sur l'esclavage, franchement. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais. Ouah, quoi, le truc, mais c'est une horreur, quoi. C'est inhumain. Inhumain. Alors là, c'était le ressenti, je me disais, waouh. Et puis, papote de l'esclavage, comme ça, alors vous allez tous obéir. D'accord. J'ai pas assez obéi. Oh, bah, oui, c'est bien. C'était atroce. Très drôle, mais... Oula. Eh, putain, mais vous faites un bras de main, là. À la base, le thème du texte, c'était quoi la phrase ou le mot? Alors, au début, on a essayé de partir sur la reconnaissance, se sentir indispensable, des choses comme ça. Voilà. Mais après, dès qu'on a pu mettre 2-3 notions, on s'est pas gêné. Je ne sais pas trop dire lesquelles. Ouais, celui qui veut rajouter quelque chose de notre groupe. L'idée sur les deux personnages qui s'affrontent, c'est que chacun a des qualités et des défauts, mais du coup, comme ils sont contraires, ils n'arrivent pas à se voir. Le travailleur est chiant aux yeux de celui qui est ultra social et sympa et qui fout pas grand chose, mais qui pousse les autres à faire. Donc en fait, il n'y en a aucun des deux qui a vraiment tort dans son fonctionnement, mais comme les deux sont complètement différents, ils peuvent pas s'entendre et ils peuvent pas voir les qualités de l'autre parce que justement ils s'annihilent, ou si jamais ils bossaient ensemble, ils pourraient faire des merveilles, mais en fait, personne leur dit bosser ensemble parce que vous êtes complémentaires. Donc en fait, ils se tirent dans les pattes l'un l'autre parce qu'ils sont pas capables de voir les qualités de l'autre. Alors peut-être qu'au milieu, c'est peut-être un peu rapide parce que peut-être on ne comprend pas tout à fait le retournement à... Voilà, à la fin. Voilà. Ben, pourquoi est-ce que tout d'un coup il dit... Ou alors peut-être que... Pourquoi est-ce qu'il dit... Enfin, moi ce que j'ai pas compris, si c'est... c'est si Jacquard... Quels sont ceux qui sont de bonne foi puis d'autres pas? Est-ce qu'il y en a qui... Voilà, ouais, ça, d'accord. En fait, les deux sont de bonne foi, c'est-à-dire il y en a... Non, pardon, vas-y, Adèle. En fait, les deux sont de bonne foi pour Caribou. Jacquard est quelqu'un de pas sympathique, qui n'aide pas les autres. Mais, alors que dans les faits, Jacquard est un bosseur, mais effectivement, qui parle pas des masses aux autres. Donc, à ses yeux, Jacquard est mauvais. Et donc, Caribou prend sa place. Et Caribou est quelqu'un qui, du coup, donne le choix aux autres de qui fait quoi et crée un esprit d'équipe, mais il ne fait rien. Tous les autres prennent toutes les tâches et lui, il dit « Ah bah c'est bon, on l'a fait ». Donc en fait, y en a un effectivement qui est vraiment fédérateur et qui motive les gens à bosser ensemble et c'est cool, mais qui fait pas grand chose. Et pour lui, bah, la personne qui travaille et qui ne fait pas de lien, et ben bah, elle sert à rien et inversement. Donc c'est pour ça que à la fin, il y a ce côté, ben bah, en fait on pourrait faire des cycles. C'est chacun prend le pas sur l'autre et le pas sur l'autre et le pas sur l'autre. Et il faudrait sortir de ce cycle-là, mais comment ? Ben, justement, c'est pour ça qu'on discute aujourd'hui, je crois. Messieurs, dames, je souhaite un excellent week-end. Je crois que c'est le week-end. Ouais, j'ai traversé ce plateau. Le duo théâtral était vraiment sublime. Cet enchaînement de paroles, de textes et tout. Moi, je me rappelle que j'étais là la nuit du 13, là, j'ai chanté un texte. Et il dure 30 secondes, si je peux vous le chanter. C'est un texte d'amour. Quand je croyais sans cesse que la vie me tournait le dos, c'était plutôt l'inverse, je voulais résoudre ces mots par des mots, comme un coup des arts martiaux, yo, de la pointe de mon stylo, qui était mon arme, que je dissimulais dans mes chapeaux, comme un enfant en flamme, que je planquais dans mon sac à dos. Incroyable étaient mes idéaux, formidable étaient ces balades à rencontre de mes égaux. Mais après mes études à la fac Colombo, seconde classe, ma vie fut rude, pourtant je gardais l'habitude d'être convivial. J'étais un spécimen phénoménal, limite X-Men, produit médical, Iron Man, X-Men, à arpenter les beaux quartiers de Paname, et relationnel, était madame de cœur qui pourtant, je vous l'avoue, me causa beaucoup de douleur en Siruel, en recherche de moi-même et de mon âme. Faut que l'amour soit international, sans drame, sans haine, et tout serait merveille, dans une planète sans affaire plus spirituelle. Je vous aime, merci, je dois y aller. Et merci pour... Oui, par rapport au texte, je voulais dire aussi autre chose. Il y avait l'utilisation du par Caribou à chaque fois en fait qui prenait la parole avec les esclaves, il utilisait le mot on ou nous pour faire comme si voilà, ils étaient tout un groupe soudé. Par contre, quand il s'adresse au maître, il dit j'ai fait ça. Donc il y a aussi à chaque fois pour Caribou plus que pour Jacquard encore, la reconnaissance du maître, comme voilà, lui il dit je suis le fédérateur des esclaves, mais reconnais-moi en tant que fédérateur des esclaves. Et par rapport aux esclaves, il y a aussi la reconnaissance des esclaves de lui, Caribou, comme second maître. Par exemple, quand y a un esclave qui lui dit je sais que tu trouves que je fais ça bien, donc je vais faire ça. Ça c'est un exemple. Et l'autre, si je m'en souviens... Et l'autre esclave, c'est juste, il était content en fait du coup de bosser avec Caribou parce qu'il fait ce qu'il préfère faire quand c'est avec Caribou. Alors que quand c'est avec Jacquard prend les tâches les plus difficiles et il dit aux autres de faire les tâches qui restent. Donc ils n'ont pas trop l'impression de décider. Ah, effectivement, moi le texte m'évoquait un peu l'aspect inhumain de la tâche. Où chacun a son utilité, comme s'il était l'objet de, je sais pas. Et il y a derrière ça, dans les dialogues, on voit qu'il y a plus de considération de la personne. Il y a plus de d'humanité, quoi. Il y a plus que toi tu fais ça et clac clac clac. C'est vrai que quelquefois on en arrive à là quand on a des activités, quand on se laisse emporter. Pas au point de l'esclavage non plus, hein. Mais on en arrive certaines fois à considérer des gens qui sont proches de nous en fonction de leur utilité plutôt que en fonction de leur humanité. Si quelqu'un qui veut ajouter quelque chose. Je vais prendre la parole. Bah du coup je veux bien savoir moi celui qu'on a joué du coup le groupe avec notre groupe. Je sais pas, je veux bien savoir un petit peu plus de ceux qui l'ont écrit. Ouais, ce que j'ai ressenti, j'ai pris du plaisir. J'ai pris du plaisir. Sauf qu'en fait, j'étais un peu frustré parce que mon personnage, il n'arrive jamais à dire c'est quoi son idée. Donc, il a, voilà. Apparemment, il a des solutions, mais il n'arrive pas à les donner. Donc, j'étais un peu frustré. Voilà ce que j'ai ressenti. Comme ça. Mais si ceux qui ont écrit, ou voilà, tu veux dire ce que tu as ressenti en le jouant. Bah, déjà, la première fois, on l'a tous lu, on s'est dit qu'est-ce que c'est que ce truc, on n'y comprend rien. Et après, on s'est rendu compte, je crois aussi parce qu'on l'a vachement expérimenté, ce genre de situation à nuit debout, où quelqu'un part sur, voilà, je veux lancer une idée, un truc, et l'autre lui dit, non mais de toute façon, comme c'est toi qui lances l'idée, et l'autre qui dit, non mais du coup, je voudrais parler, non mais il faut donner la parole à celui qui n'a pas parlé, et finalement, il se passe rien. Et il en reste un qui voulait quand même dire quelque chose, mais qui n'a jamais réussi à le dire, et qui du coup voulait imposer aux autres le fait de se taire et de prendre un tour de parole, mais il s'est tué à dire ça. Et donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Il a fallu refaire la lecture pour s'en rendre compte, mais je trouvais ça pas mal parce que c'était vraiment, on le vivait aussi en le disant, quoi. Donc ouais, je trouvais ça très ressemblant à ce qui se passe ici. D'autres réactions, peut-être ceux qui l'ont écrit, si vous voulez rajouter quelque chose. Bon, en fait, c'était bien l'idée qu'on avait au départ en commençant à écrire le texte. On a essayé de mettre aussi le fait que le premier a parlé, qu'à son idée. Il insiste sur avoir sa solution que aucun ne veut écouter en fait. Et parallèlement à ça, il y avait cette pauvre D qui aurait bien voulu s'exprimer, mais qui n'arrive pas à s'exprimer finalement parce que d'abord on interrompt, on lui dit d'attendre, et puis après on lui dit mais non, c'est toi qui parles. Et résultat, elle se retrouve dans une situation de peur où elle n'arrive pas à s'exprimer. C'est-à-dire, j'ai un peu fait encore plus fort à l'intérieur parce que j'ai fait valoir la notion de temps et qu'il fallait s'exprimer vite, vite, vite. Voilà, et c'est ça le résultat. Merci. Oui, on a bien senti la précipitation dans tout ça. Oui, on avait essayé de prendre à chaque personnage un thème. Donc, il y avait pour A, le mec, la personne indispensable. Pour B, c'est l'expérience, voilà. C, c'est le désengagement. D, c'est la peur, voilà, c'est la peur. A, c'est donc... E, c'est la franchise. Mais la franchise, là, normalement, elle est assez humectée et alcoolisée, quoi, la franchise, quoi. C'est une franchise idyllique et il y a eu, je pense, une petite erreur de lettre à la fin qui a donné du piment et qui a dû vous donner du fil à retordre parce qu'en réalité, c'est un autre personnage qui dit, il n'y en a pas un tout d'un coup qui veut dire, c'est toujours le même qui veut pas parler à qui on va donner la parole et qui... Et là, il y a eu une inversion de réplique, j'ai l'impression. Quelqu'un d'autre veut réagir sur ce texte ? Cette scène même. Non, ou sinon sur les autres. Sur le troisième, oui. Qui l'a fait, qui l'a joué, oui. Bah, contrairement aux deux autres textes, là, la première partie est très introspective, puisqu'en fait, c'est la distinction entre la voix de la peur et la voix de la raison d'Anna, qui essaye de s'exprimer, qui dans sa tête, dans toutes ses contradictions, je veux dire quelque chose, j'ai peur de le dire, je trouvais ça super intéressant. Et puis après, elle se retrouve confrontée à un public qui est totalement impatient et qui prend même pas le temps de lui laisser s'exprimer. Et donc, qui force Anna à se confronter à sa peur. Donc, c'est assez violent, d'une certaine manière. J'ai trouvé ça aussi assez violent. C'est marrant parce que les deux textes là, se ressemblent un peu. Hein, on est dans effectivement un problème de communication, quoi. Ouais, effectivement. En tout cas, c'est marrant qu'on ait tout de suite repensé à faire des débats et des assemblées, enfin des schémas qu'on voit ici. C'est drôle. Sauf pour les esclaves, pour le coup. Voilà. Quoique. Voilà. C'est ça, c'était bien plus profond, bien plus approfondi, ouais. Voilà, donc, effectivement, on a choisi le thème de manque de confiance, confiance en soi, d'avoir peur de prendre la parole en assemblée, d'avoir pour stimuler un peu ce sentiment, on a fait exprès de mettre un public, une assemblée assez violente, comme on en voit hein, des travers qu'on voit vraiment en assemblée très fréquemment. Hein. Y a le temps, il y a bon, elle est finie, c'est hors sujet. Je voudrais saluer l'interprétation de Gilbert. Oh merde! Je t'en veux pas, moi, personnellement. Mais... Ça aussi, c'est... D'autres réactions? En fait, à la fin du texte, il y a quand même que tout ça, ça l'a... Parce qu'on voulait finir sur un truc positif, on s'était dit. Donc, le truc positif, c'est que tout ça, à la fin, ça lui fait vaincre sa peur. Est obligé de passer par-dessus, de surpasser, voilà. Ah, je trouve ça très intéressant ce qui vient juste de se passer, parce que juste avant que ça se passe, ça s'est passé dans mon esprit. Et je me suis dit, non, faut pas le dire. Donc, c'est juste à ce moment-là, en effet, je pense que quand on a vu la scène se jouer, et donc en fonction des personnages qu'il a joués, qu'on connaît déjà, et qu'on les a vus jouer cette scène-là, ça a pu nous faire dire, ah, c'est marrant que cette personne-là ait ce jeu-là. Mais c'est là où on se rend compte précisément que quelqu'un qui dit quelque chose, on lui prête, on ne l'écoute déjà pas de la même façon parce qu'on sait ce qu'il dit d'habitude et ça transforme tout à fait la façon dont on l'écoute. Alors là, on a trouvé ça très drôle parce que ça correspondait relativement peut-être au personnage, mais en tout cas, ce qui est intéressant, et là ça fait vraiment réfléchir sur la question du décentrement par rapport à l'autre, c'était un personnage. En fait, à chaque fois, on suppose chez l'autre, parce qu'on l'a déjà entendu dire des choses, qu'il va redire encore la même chose et qu'il va prendre la même position et finalement on ne s'écoute pas. Quoi. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Non? Oui? Je sais pas, tu lèves pas la main, je sais pas ce que tu veux me dire en fait. Non, rien, rien du tout. Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que même si en fait dans tous ces personnages, donc ils sont tous fictifs et autres, je pense, soyons lucides, on a tous pensé à quelqu'un où en fait la plupart des personnes présentes, on pourrait les rapprocher d'un trait ou d'un autre. Et ce qui est assez amusant, c'est que hors contexte, en fait, donc vraiment dans un contexte neutre là comme celui-ci aujourd'hui, ça nous fait plutôt bien marrer. Et en fait, on est tous plutôt lucides et les travers des autres et de nos travers. Et en fait, on en rigole parce que c'est pas grave et ainsi de suite. Et alors que exactement la même chose dans un autre contexte, soit on perd du recul, soit en fait une attitude qui ponctuellement ou vraiment individuellement n'est pas grave ou pas problématique, et ben dans certaines situations ça l'accentue ou c'est le mauvais enchaînement et ainsi de suite. Ce qui fait que moi, ce qui me fait penser, c'est que chaque personnage là, chaque attitude, il y en a aucune que je trouve spécialement gênante, condamnable ou quoi que ce soit. Au maximum, ça fait un peu rire ou soupirer. Rire parce qu'effectivement on n'adhère pas mais on trouve ça amusant ou alors on a envie d'attendre que ça passe, mais je pense qu'aucune des phrases de chaque personnage ne provoque quoi que ce soit, et pourtant les mêmes dans un contexte sans recul ou dans un contexte tendu, on a vu que ça pouvait créer mais des drames et des engueulades monstrueuses. Et donc voilà, enfin moi ça m'interpelle pas mal parce que on est tous capables de beaucoup de recul et de beaucoup de recul sur nous-mêmes, ce qui est très rassurant pour la suite. Maintenant, la question que je me pose, c'est comment on fait pour recréer cette espèce de petit recul dans des situations compliquées. Comment on fait pour dire, hey, là, au lieu de s'engueuler, rappelons-nous les fois où on a pris du recul et on rigolait ensemble et essayons de voir. Enfin, je sais pas comment on pourrait faire, mais ça m'interpelle. Ouais, mais du coup, moi, s'il n'y a pas trop de paroles, je prends un tout petit, bah, je te passe tout de suite derrière. En fait, nous sommes les fruits de la connaissance d'une multitude de personnes. Ça fait plus que 5 mots. La petite. Oui. L'aptitude de la conscience. Alors, oui. Oui, en fait, bah, c'était complètement. Je sais pas ce que je voulais dire. Oui, c'est-à-dire en fait qu'on en rit, le fait qu'on en rit, etc. Et, je pense que c'était un des objectifs en fait de faire ça, parce que je pense. C'est en fait le rire est libérateur un peu, donc en fait le fait d'en rire, ça le fait de ridiculiser aussi des fois des situations, je pense que ça permet aussi justement de s'en détacher et de l'analyser différemment quoi, et espérons-le dans le futur. Peut-être que la prochaine fois, du coup, nous ceux qui ont fait ça, peut-être qu'on on pensera différemment, mais peut-être, je sais pas. Voilà. Oui, moi, ce qui est intéressant quand on fait ça, c'est que justement, à travers ces personnages, il y a toutes les inquiétudes, les souffrances, les angoisses, et que ce qu'il faut toujours se dire, c'est qu'à partir du moment où on en fait une œuvre, ça devient du beau. Ça devient du beau, ça devient ça devient même de la matière, puisque là, c'est devenu une matière à créer, à discuter, à communiquer, et ainsi de suite. Hein. Et ce qu'il y a de plus intéressant, c'est de la matière de nous. Et donc, vraiment se dire que toutes ces fêlures, quand on travaille effectivement avec ces choses-là, ces fêlures deviennent des joyaux, et les fêlures, les difficultés qu'on vit, la lie qu'on vit, des fois, quand je parle de télégramme, merde! Télégramme, ça paraît être un peu la lie de Nuit Debout, mais c'est là aussi où c'est le ferment du beau, quoi. Moi, je sais que personnellement, j'ai jamais été sur Telegram, donc j'ai pas, bon, donc j'ai pas connaissance. Moi, je dis jeu, hein, voilà quoi. Mais comment je peux dire, je vais dire. Donc, Khaled n'a jamais été sur Telegram. Non, je vais parler à la troisième personne de moi, c'est encore pire, quoi. Non? Ça fait un peu encore plus présomptueux, je trouve, non? Donc, bon, voilà, pour une personne qui n'a jamais été sur Telegram, voilà, ça pose pas de problème puisqu'elle n'a jamais été sur Telegram. Donc, par contre, pour une personne qui a été témoin du fameux lundi où on a eu une AG sur laquelle le sujet c'était la participation de la communication économie à la fête de l'UMA, oui ou non. Moi j'ai quand même été surpris hein, des comportements des gens. J'ai essayé, moi je me suis carrément interposé, j'ai essayé de jouer la. Pardon, il y a une personne qui s'est interposée, qui a voulu jouer la sérénité, elle a pas pu quoi, c'était super compliqué. Et donc il y a une AG deux jours après qui était le mercredi et qui a été aussi assez mouvementée, qui était vraiment étrange, avec des comportements vraiment étranges. La question c'est comment faire pour pas que ça se reproduise, ou pour que arriver à stopper le truc quoi, parce que d'habitude on arrive quand même des fois à stopper le truc, parce que là bon c'est bien, on fait une œuvre, etc., c'est mignon ce que dit une personne là. Mais est-ce que ça aide à prendre du recul? Je sais pas quoi. C'est là la question que je pose. La question c'est comment on fait pour pas que ça se reproduise quoi, pour que les gens ils arrivent à, parce que personne n'est parfait, on sait qu'on a tous nos travers, chacun peut s'énerver, on a tous nos défauts. Enfin bon voilà, je dis des lieux communs, mais oui quoi, voilà quoi. C'est toujours plus facile, hein. On connaît la fameuse. Le chapitre 7 de Saint Matthieu, hein, on voit toujours mieux la paille qu'on a dans l'œil du voisin que la poutre qu'on a dans son propre œil, hein, comme on dit, hein, voilà quoi. C'est toujours plus facile de juger les autres que de juger soi-même, quoi. Garde-toi bien de juger si tu ne veux pas qu'on te juge, voilà, je reprends des. C'est le seul passage de la Bible que j'aime bien, quoi, excusez-moi, hein, pour ces citations de la Bible. Mais ouais. Voilà, comment on fait pour que la chose ne se reproduise pas quoi. Bah, c'est la question que je pose quoi. Comment faire en sorte qu'à un moment donné, je sais pas, faudrait créer un, parce qu'on fait le signe sérénité, mais voilà, ça fonctionne pas, hein, ça fonctionne pas. Des moments, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'arrêter quoi. Enfin, qui peuvent pas prendre de recul, qui sont vraiment. En plus, moi, ce qui m'a, pardon, la personne qui était présente ce lundi à cette fameuse AG, elle était surprise quand même par les haines. En fait, il y avait vraiment des haines. Et des haines qui étaient là, qui étaient installées. Et c'était comment faire pour faire... il y a des gens qui ont parlé de médiation, etc. Je me souviens, on avait parlé de faire des médiations, etc. Mais comment faire en sorte pour que ces haines se résorbent et puis que les gens, ils arrivent à recommuniquer. Mais il y a des gens, ils n'ont pas envie de communiquer entre eux. Mais vraiment, c'est... Et y a pas moyen, quoi. Et en fait, l'idée, c'est ça. Hein. L'idée, c'est que si on surenchère, voilà. C'est un peu comme dans la guerre. Hein. C'est un peu comme Clausewitz. Hein. C'est les rapports humains, c'est un peu pareil. Parce que bon, Clausewitz, il se base sur les rapports humains, il parle de la guerre. Mais lui, il dit à un moment donné, si on est en, si chacun surenchère, on monte dans la violence, quoi. Alors que, ouais, moi, l'idée, c'est qu'il faut que chacun donne un peu, toi, qu'on puisse, donne un peu de qu'il y ait un terrain d'entente, quoi, qu'il lâche un peu, qu'il accepte de donner un peu de pour que on puisse pouvoir pour qu'il y ait quelque chose qui puisse se faire en commun, quoi, et que, parce que si on surenchère, voilà, comme voilà, moi c'est ça, quoi. L'idée c'est mais ça c'est les rapports humains en général, hein. Comment faire en sorte pour que il y a un moment où les gens ils arrivent à se reconnecter, quoi. Il faut que chacun donne un peu, quoi, lâche un peu du lest, je sais pas comment dire, qu'on puisse avoir un terrain d'entente commun, quoi. Comment faire pour arriver à ça, quoi, pour que les haines ne perdurent pas, quoi. Parce que là, il y a vraiment, c'est vrai que, et en plus des fois, il y a des enjeux qui sont quand même minimes, quoi. Je sais pas, il n'y a pas vraiment de gros enjeux. Je sais pas, je vois par exemple la commission éducation populaire, ça se passe bien, donc je vois pas pourquoi dans d'autres commissions ça se passerait bien. Pourquoi il y a des rapports intercommissions comme ça qui Après, évidemment, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, l'Union européenne, des choses, enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même des sujets politiques sur lesquels on n'est pas d'accord. Mais après, ça, c'est pareil, on revient un peu à la discussion de départ, soit. Puis, je suis un peu long, non. Mais en fait, moi je dis, c'est qu'il faut s'intéresser à l'argumentation pure, voilà. Mais ce que j'apprécie, c'est que ça venait du fond de ton cœur, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas. Mais là, je l'ai senti plus, là, du fond du cœur. Parce que des fois, t'es en mode automatique, mais là... Pardon. Pardon, excusez-moi. En plus, je fais du... Alors, je... Non, il n'y aura pas de jugement. Comment rebondir après ton intervention ? Je pense que cet après-midi, c'était on a fait un peu un espèce de test, de laboratoire. Enfin, on peut l'appeler de plein de façons, et peu importe, c'est pas le plus important. Moi, ce que j'aurais... ce qu'on aurait peut-être aimé, on va dire on, c'est justement que ces personnes-là soient présentes aujourd'hui. Soit ici, à la place... Ici, là, par terre, comme on était en train de rire d'une situation dans laquelle, effectivement, on s'est tous plus ou moins reconnus, enfin, en tout cas, on a vu, etc. Et effectivement, qu'elles prennent ce recul qu'on a réussi à prendre, et c'est merveilleux parce qu'on l'a pris, mais ça a duré quelques minutes. Mais pour moi, c'est des minutes qui sont très très importantes, il ne faut pas les négliger. Et si nous, on arrivait à le faire, je pense que ces personnes-là, en tout cas, j'espère, arriverai à le faire aussi. Donc, c'est vrai que tu nous as fait une transition sans le vouloir, parce que à la fin de cet atelier, en fait, on voulait vraiment aussi avoir vos impressions, savoir ce que vous en avez pensé, savoir si c'était utile, si c'était à refaire. Et après, c'est tout bête, mais si vous pensez que c'est utile et qu'il faut le refaire, et si vous avez des contacts avec des personnes qui sont plus là, qui sont parties, ou qui sont là mais plus trop sur la place, ou qui sont sur d'autres places, ou les faire venir, en fait. Les faire venir et qu'on refasse des ateliers comme celui-ci. Après, je sais pas, c'est peut-être, je suis en mode I have a dream, j'en sais rien, mais voilà. C'est un petit peu mon sentiment là, j'ai trouvé ça génial ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est la fin de la journée. Plus, ça aurait été encore plus génial. Voilà. Mais toi aussi, t'as parlé ? Oui, bien sûr, à toi, c'est à toi. Je voulais rebondir, mais ça m'a coupé un petit peu. Je me demande si on passe la parole ou pas. Alors, à chaque fois, bien sûr. L'œuvre que l'on crée, comment ça peut être? Oui. Considérons vraiment les choses qu'on est en train de faire là maintenant, au présent, quoi. Je dirais que commençons par être ces personnes dont tu parles. Tu vois, je veux dire, quand on convoque, commençons par être ces personnes commençons par être ces personnes qu'on a été à regarder et voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le ressentir, quoi. Je pense que les gens le sentiront et ils viendront, quoi. En tout cas, il ne faut pas seulement considérer l'œuvre qu'on crée là-dedans. Ensemble, tout à l'heure, tu disais c'est bien gentil de faire une petite piécette et tu avais raison. Mais il faut aussi considérer l'œuvre, faut aussi considérer ce que l'on crée sur nous à faire ensemble. Il faut considérer ce que l'on crée sur nous à faire ensemble. Ce que l'on construit et ce que ça nous provoque à être ensemble et à faire ça, quoi. C'est là où il y a apprentissage de peut-être des manières de faire ensemble pour que des choses comme dont tu parlais n'arrivent pas ou n'arrivent plus, quoi. Avoir un mode à redécouvrir en partant de ces choses. Moi, alors, ce que vous avez fait est superbe, bien sûr. Ça a abordé des tas de choses, il n'y a qu'à, quoi. Mais c'est vraiment un laboratoire pour s'apprendre. Et je crois que c'est essentiellement ça que Nuit Debout peut apporter. Et c'est vrai que ce Nuit Debout-là, je reviens encore sur cette idée de Nuit Debout, à l'intérieur de Nuit Debout, c'est vrai que là, on est dans une sorte d'intériorité de Nuit Debout quand on fait ça et qu'on essaye de chercher ensemble à faire ensemble à travers des exercices, des recherches, des choses qu'on fait ensemble, en expérimentant plus le fait qu'on fait ensemble que ce que ça veut dire à la limite. Pour résoudre ce problème de communication qu'on a entre nous, il faut bien qu'on essaye des solutions. Et là, Educ Pop a proposé des ateliers comme ça, par le biais d'une activité théâtrale. Et on ne peut pas préjuger maintenant de savoir si ça va être efficace ou pas, si ça va fonctionner ou pas. Et c'est juste en essayant, et là déjà, on peut constater que ça nous a permis, même si c'est simplement par le biais de l'humour, de remettre en cause certaines de nos attitudes que l'on a en commun, certaines de nos actions, et de relativiser l'importance de certaines prises de position. Par le biais de l'humour, pendant 5 minutes, c'est très bien, c'est vrai que c'est limité, mais en continuant sur ce travail-là, on pourra peut-être arriver à aller plus loin. Donc ouais, à mon avis, il faut qu'on continue. Oui, tout à fait. Et il me semble en plus que il y a eu la partie atelier, il y a eu la partie débat avant, qui fait que maintenant, si voilà les situations qui se sont produites avant se reproduisent, eh ben on n'aura pas tout à fait la même vision quand même, parce que même le fait d'être entré dans des personnages que d'habitude on voit à l'extérieur, qu'on peut juger parce qu'ils prennent cette position, là on était dedans parce qu'on a joué leur rôle, et tout d'un coup on ressent des trucs bizarres. Donc c'est pas forcément qu'on... D'ailleurs on peut se sentir pas du tout bien dans cette position là mais on sent que quand on prend la parole de ce personnage là tout d'un coup, quand on va écouter des personnages qui prennent ce type de parole, on va plus les écouter de la même façon. Et déjà c'est énorme. Et je pense aussi le principe de décentrement qu'on a posé aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a choisi, voilà, au début qu'on lisait tous des textes et qu'on lisait pas les textes qu'on avait écrits, ça commençait par ça la journée. Ensuite du coup d'écrire des personnages, que ce ne soit pas nous qui jouions les personnages qu'on a écrits. Tout ça, c'était des exercices de décentrement en plus de la règle de la journée. Et ça, je me dis par exemple, en assemblée, refaire cet effort quand on prend la parole à l'assemblée, par exemple, mais aussi refaire l'effort quand d'autres prennent la parole à l'assemblée, ne jamais répondre à quelqu'un. Directement, on parle à l'assemblée, on parle pas à... on parle à ses arguments, enfin, comme c'était dit avant. Et donc, pour moi, enfin, ça peut avoir un impact fondamental. Enfin, vraiment intéressant. Et peut-être, en effet, ce qui pourrait être chouette pour la suite, ce serait de le refaire. Après, bon, on s'était posé la question, qui viendra? Est-ce que les personnes qui posent plus de problèmes viendront ou pas? Et je me dis, c'est pas si grave que ces personnes-là viennent ou pas, parce que comme nous, on a changé, ça va changer notre rapport à ces personnes-là, donc ça va les changer en retour. Maybe. Je vais commencer à noter les tours de parole parce qu'il y en a pas mal. Il y a un équilibre qui est assez difficile à trouver. C'est en fait de traiter des sujets très graves et des enjeux politiques très lourds avec un tout petit peu de légèreté. Et ne jamais trop prendre les choses au sérieux, même quand effectivement les conséquences peuvent être graves ou les enjeux sont hyper importants. C'est très difficile parce que c'est comme un jeu sérieux. Il y a ce côté vraiment, si les choses sont prises trop au sérieux, trop à cœur, on perd toute capacité de recul et toute capacité d'accepter facilement un échec ou la contestation. Mais d'un autre côté, comment s'engager dans des situations compliquées et sur des combats compliqués sans y mettre beaucoup aussi d'importance et de cœur. Et cet équilibre-là, ça frôle presque l'absurde, ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon vous n'en sortirez pas vivant. Je sais plus qui disait ça, mais d'où sort cette citation, mais je sais qu'elle existe. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose à jouer là-dessus, je sais pas trop comment. Mais voilà, c'est s'engager gravement, mais avec le sourire, ou je sais pas, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, et faire un pouce, racontons-nous une blague. Et si à la limite on est capable de se raconter, de faire une pause dans une engueulade et pour se raconter une blague, bah peut-être que du coup on est capable de prendre un tout petit peu de recul et de faire une espèce de micro-parenthèse qui va changer le ton, je sais pas. Justement. Merci ma soeur pour ton partage. Mesdames, je vous aime, merci pour vos témoignages. Petite blague, moi je suis un extraterrestre venu de la planète des Sphérales qui est venu pour étudier le genre humain. Non, je rigole. Non, je suis en être paranormal. Je suis avec une maladie génétique. Parents qui ont quitté l'Algérie pour me soigner en France. Sinon, à 6 ans, je suis mort. Donc, après, j'ai vécu... je vis comme un être humain normal. Et je compose à la grosse dose Téléthon, tout ça. Et ils ont inventé... J'ai signé le médicament du Téléthon. Un premier médicament, un deuxième médicament. J'étais le premier à tester parce que moi... À 22 ans, j'étais étudiant en médecine. J'ai touché là. J'ai dit bon, c'est fini. Moi, je veux plus. Je veux connaître l'amour. Par contre, ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe, c'est que là, de toute cette science, chaque personne, même dans l'islam, les dictons, lorsque tu vas à un pays, respecte la culture, etc. Ben, ils connaissent pas. Ouais, je me la raconte pas. Hein. J'ai étudié, là. Avant, je faisais la prière, ça, bon. Là, j'ai rechuté à l'alcool, ça. Moi, je suis à la prière, j'ai étudié des Corans, j'ai étudié des Hadiths, tout ça. Et je sais très bien. Et celui qui s'aime en frère de religion, il aura des chairs de lumière que les anges, que les prophètes et les martyrs leurs environs. Alors, si je peux finir sur ça. Si je suis sur une dernière truc, c'est que je vous dis, moi, pour moi, l'enfer, c'est la terre. L'enfer, c'est la terre. Là, je mets un peu de glace là sur mon genou. Quand tu vas à l'hôpital et que le gouvernement, ils n'investissent pas dans les docteurs, les infirmiers, les aides-soignantes, ils mettent des vigiles à l'hôpital. Maintenant, les docteurs, c'est les vigiles. Donc tu vas, ils te verront à l'hôpital, il fait moins 5 degrés, t'es là, tu trouves un hall, pour qu'il fasse moins de 2 degrés, tu vois. Là, j'ai connu ça, monsieur. J'ai connu ça, regarde, à vue de ça. Et je vous aime, et je vais y aller. Et vraiment, c'est passionnant. Je sais pas trop c'est quoi le sujet. J'essaie de rebondir sur mademoiselle. Mais par contre, une chose que je veux dire, c'est que la connaissance libère, comme disait Descartes. Plus nous savons, plus nous sommes instruits. Et Socrate disait, je sais que je ne sais rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. Et ça, c'est magnifique, quoi. Je disais, plus tu vas apprendre. Moi, j'essaie d'apprendre dans les livres. Socrate, Bouddha, Lao Tzu, Confucius. Et finalement, et ce que j'ai bien aimé, là, et c'est pour ça que ça a protégé Bruce Lee, enfin Confucius. Celui qui ne rivalise avec personne, personne peut rivaliser avec lui. Et je vous jure, moi, j'ai grandi à Sevran-Beaudot, ça, dans, avec des gueux dents de l'armée. Rien à foutre. Excusez-moi. Je vous aime. Bisous. Et moi, je vais rentrer. Merci. On t'aime aussi. Oui, oui, c'était. Bon, par rapport à ce qui s'est passé cet après-midi, dans les exercices les exercices qui ont été proposés avant l'écriture, là, ce que je trouvais très intéressant, c'est que ça remettait le corps, parce qu'on est et le rapport à l'espace. Et ce qui a à se poser comme question aussi, c'est le micro et le rapport à l'espace que ça donne et le rapport à la parole que ça donne. Je sais bien que là, on est dans un espace où on peut pas éviter le micro. On n'est pas pareil ensemble quand il y a un micro et quand il n'y a pas de micro. Et la parole ne circule pas pareil quand il y a un micro et quand il n'y a pas un micro. Et si il y a une conscience à avoir, je pense. Il y a une conscience à avoir par rapport à ça. Ça. Oui, c'est ce que je te dis. Il y a un problème technique, mais on est obligé, mais il y a quand même une conscience à avoir par rapport à ça. Dire, je laisse la parole en priorité à ceux qui n'ont pas parlé. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. C'est très intéressant en fait ce qui a été dit parce que finalement, moi comment je vois Nuit Debout, excusez-moi. Oula. En fait, comment je vois Nuit Debout, je vois un peu Nuit Debout comme une start-up. Alors tout de suite, on va me dire oui, bah capitaliste, etc. Et pas du tout. En fait, une start-up, c'est quoi une start-up? C'est des gens qui ont des connaissances ou pas, c'est des idées ou pas, et en fait, finalement, on va prendre cette essence-là et en faire quelque chose de concret, d'accord? Une start-up, c'est ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, parce que moi, je viens en fait depuis plusieurs mois ici sans forcément parler, monsieur qui est là, qui parle pendant que je parle, non, bien sûr, monsieur qui est là, je le vois depuis, je crois, juin ou mai même, juin, juillet, même avant. Et en fait, finalement, je me dis... Peut-être qu'il faudrait remettre en question un peu ce que l'on fait, ce que l'on dit. Par exemple, quand on citait des sources hier soir, il y a pas mal de gens qui disaient « Oui, mais il y a des sources qui prouvent, il y a des sources, etc. » Peut-être que ces sources, il faudrait les citer au bout d'un moment. C'est vrai qu'il y a des sources qui ne sont jamais citées ici. Et voilà, la vérité. Et ça, c'est un problème, je pense, de Nuit Debout. Il faudrait citer ces sources. Voilà. Moi, je suis du milieu universitaire, donc peut-être que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Deuxièmement, je pense que le fait de parler ensemble comme une start-up, il faudrait que ce soit quelque chose qui nous aide à avancer. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on est, je sais pas, une dizaine de personnes, une vingtaine, et il faudrait que cette personne-là puisse nous faire avancer dans ce qu'on fait, avancer dans ce qu'on dit. Et j'ai l'impression que finalement, depuis juin, mai, juin, juillet, j'ai l'impression qu'en fait, les mêmes sujets reviennent. Et vous savez, une start-up, on peut faire ce qu'on veut. On peut dire, je crée une entreprise, où Google est, et finalement, je crée une entreprise, mais ça marche pas. Parce que les gens ne font que de parler. Ce qui serait intéressant, c'est peut-être d'avoir les actes qui vont avec les mots. Mais le problème, je pense, moi, le problème qui est majeur, je pense que vraiment le problème, c'est que on parle souvent d'économie, on parle de politique, on parle d'informatique, d'automatisation, monsieur, hier soir, vous l'avez dit. Mais le problème, c'est que la plupart des gens n'ont pas la connaissance suffisante sur ces sujets-là. C'est vrai qu'il y a parfois, vous avez des profs, des philosophes qui viennent, des médecins qui ont étudié à Sorbonne, par exemple. Et le problème, c'est que je pense qu'il nous manque cette connaissance-là. Il nous manque le fait qu'on puisse élever les gens vers le haut, pas forcément vers le bas, parce que le salariat, c'est mal ou pas, chacun son idée. Mais je pense que... Il faut qu'on monte les gens vers le haut et qu'on se dise, même si on veut par exemple le sujet d'hier c'était le revenu minimum, il faut qu'on se dise, bah finalement qu'est-ce qu'on va faire avec ce revenu minimum? Est-ce qu'on va fumer des joints toute la journée alors qu'il y a des gens qui travaillent toute la journée? Vous voyez, il faut mettre en lumière, il faut mettre en exergue en fait ces deux côtés-là, parce que c'est comme une médaille, en fait c'est une médaille. On a le côté qui ne veut pas travailler et il y a le côté qui va travailler forcément et qui va aider tous ceux qui n'ont pas les moyens. C'est la réalité d'aujourd'hui, malheureusement, qu'on le veuille ou pas, qu'on veuille un RSA à 600, à 800 ou à 400 000 euros. Il y a des gens qui payent pour ça. Maintenant, il faudrait qu'on puisse s'élever qu'on puisse aller de l'avant et qu'on puisse utiliser toutes nos connaissances pour aller plus loin et pas forcément rester sur notre position. Ou malheureusement, j'ai l'impression, quand vous avez parlé d'automatisation et d'informatisation, d'ubérisation, où la connaissance n'était pas là. C'est ça mon message. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, on peut aller mieux, mais je pense qu'il faut des gens qui connaissent le sujet. Vous comprenez ? Merci. Merci. Du coup, je voulais dire un truc. Je vais dire un truc très très général, mais c'est pas vraiment le sujet. Mais on a, il y en a beaucoup qui disent qu'en réalité, on a tellement avancé partout sur la planète, on s'est tellement répandu, on a tellement été loin avec notre humanisation, qui est un terme presque à l'univers, tellement on a pris de place dedans, quoi. On a tellement avancé qu'il faudrait peut-être se rendre compte que on va être obligé de passer d'une expansion qui était nécessaire pour faire ce qu'elle est aujourd'hui, la planète. Il y avait encore de la place pour faire des tas de choses, quoi. Il faudrait passer de l'expansion à la compression maintenant. D'autant que l'univers est basé aussi sur un rythme de compression et d'expansion, et on nous dit qu'il y aura compression, et que là il faudrait passer à un rythme de compression entre nous, de nous concentrer entre nous, quoi. Et avancer me paraît plus une solution parce qu'il n'y a plus de place devant. Ouais. Mais bon, c'est vraiment très général. Dans le travail, quand on fait des choses comme ça ensemble, faut pas, encore une fois, faut pas oublier aussi, on disait que ça aurait été bien que des gens viennent. C'est une pratique qui, au fur et à mesure, permet, j'allais dire, un truc thérapique ou thérapeutique entre nous. Il y a quelque chose qui sort comme ça. Et j'ai trouvé le terme expurgion. C'est un endroit où nous expurgeons des choses. Et alors, tout d'un coup, m'est venu que, encore une fois, comme on en parlait hier, des Grecs, dans leur manière de traiter les problèmes individuels dans le collectif, là aussi, on frôle quelque chose d'assez incroyable. Quand on produit du faire ensemble comme ça, on touche à la catharsis. Et c'est effectivement une des fonctions de la catharsis, c'est d'expurger les choses nocives de la société ensemble. Voilà. Donc cette fonction-là, il ne faut pas l'oublier aussi dans ce travail-là, elle est vachement bien, elle rebondit sur ce que on abordait hier. Bon, je viens à dire. Merci d'avoir donné la parole. Je vous la rends telle que. Moi, c'est juste pour rebondir sur ce que disait le monsieur précédemment. Là, il faudrait, il n'y a qu'à. Monsieur, je vous parle. Hein. Il faudrait. Les gens qui disent il faudrait, il n'y a qu'à. En fait, à Nuit Debout, on est habitué aussi à. Les gens, au lieu de dire il faudrait, il n'y a qu'à, qui s'impliquent eux-mêmes et qui lancent les choses eux-mêmes, et qui disent il faudrait de l'action, il faudrait ceci, qu'ils agissent eux-mêmes, qu'ils fassent les choses eux-mêmes, qu'ils s'impliquent, quoi, c'est important. Donc, Nuit Debout, ça fonctionne si les gens s'impliquent, quoi. Voilà, ça, c'est super important. Après, sur le revenu de base, juste rapidement, hein, moi, c'est pas le sujet, mais bon, le monsieur l'a évoqué. Juste, sur le revenu de base, il y a eu plein de choses qui ont été dites, des heures et des heures et des heures. Moi, j'ai pas participé à tout ce qui a été dit sur le revenu de base, mais je pense que. Voilà quoi, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été dites, des gens même très sérieux qui sont venus en parler, revenus à vie aussi, etc. Donc je pense que ce qui vous manquait hier, ça a déjà dû être dit aussi avant à Nuit Debout, voilà, c'est juste pour faire vite. Et je reviens sur le problème des AG, ouais, c'est la dimension du jeu, ouais, c'est du jeu pas justement GE mais GEUX qui est très importante, quoi. C'est ça, je pense que. C'est ça qui est important, je pense que s'il n'y a pas un minimum de jeu, il n'y a pas ce décalage et les gens se prennent trop au sérieux. Je pense que Napoléon, par exemple, s'il n'était pas fou, c'est pas moi, ça vient pas de moi, mais j'aime bien cette réflexion. Et d'ailleurs, pour revenir à ce que disait le monsieur aussi sur, sur, euh, sur des fois on ne sait pas trop les choses, etc. On a besoin de connaissances, etc. Mais vous pouvez venir aussi si vous avez des choses à nous dire. Éducation populaire, c'est fait exprès. Hein. Vous pouvez venir intervenir 20 minutes. Éducation populaire, ça sert à ça. Ouais. Non. Donc voilà, la dimension du jeu. Je reviens sur la dimension du jeu. Qu'est-ce qui se passe? Non, je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, je sais plus là. Vous m'avez décentré. Enfin non, pas décentré là. Vous m'avez. J'ai perdu ce que je voulais dire là. Décentrement. Oui, la dimension du jeu, mais là c'est GUX là que je parle là. D'accord. Je suis malin. Non, mais bon, je sais plus ce que je voulais dire en fait sur les âgés. C'est dommage quoi, parce que ouais. Non, j'ai perdu mon. Là, vous m'avez. Désolé, voilà. Ouais. Ah oui, il y avait la dame derrière, pardon, qui avait demandé. Bonsoir. Moi, je suis partie de Paris depuis le mois de... Depuis le mois de fin juin. Et je me rends compte que Nuit Debout, ça a beaucoup changé. Et je trouve intéressant ces ateliers relationnels de comment se connaître, se reconnaître, échanger. La semaine dernière, il y avait un atelier sur la monnaie, sur le don, le contre-don, la bourse, des exercices pratiques. Je suis très très contente de trouver ça. Je voudrais savoir à quelle heure ça commence, à quelle heure ça a lieu et quand. Alors vous avez bien fait de venir parce que c'était la première fois qu'on le faisait en fait cet atelier. Donc on ne sait pas encore si on va, mais voilà, quelle heure. En tout cas, sinon on est là tous les week-ends de 15h à 19h pour EducPop. Tous les week-ends de 15h à 19h pour EducPop, mais après et le vendredi de 18h à 20h. Voilà, le vendredi soir aussi. Voilà. Et après, Nuit Debout a aussi plein d'autres événements, mais je ne veux pas tous les citer. Je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus, il y avait le... Bonjour à tous, je m'appelle Xavier. En fait, je suis un peu un troubadour, je bouge un peu de partout et tout ça. Il y a 3 mois de ça, j'étais arrivé au Nuit Debout et j'avais trouvé ça totalement inintéressant. Pour la bonne et simple raison que c'était des gens qui picolaient, qui fumaient des pétards et on discutait, on philosophait. Donc moi j'avais trouvé cette ambiance très malsaine, surtout qu'il y avait beaucoup de CRS qui étaient autour et moi je viens de ma petite cambrousse d'un village de 170 habitants dans les Hautes-Alpes. Je me suis senti très oppressé. En revanche, ce que je voulais dire, je pense que il faut aller là où on veut aller. Les gens, moi par exemple, je veux être musicien, ça fait 3 ans que je veux être musicien. Ça m'a coûté très cher, ça m'a coûté un divorce, ça m'a coûté beaucoup de choses. Et voilà. Mais je pense qu'il faut aller là où on veut aller. Tout simplement. Voilà. Après, les revenus minimums, avec l'autopartage, moi je marche beaucoup comme ça, avec l'autopartage, ça marche super bien. Pendant 1 an et demi, j'avais 0 euro, je ne touchais pas de RSA, je touchais que dalle. Et j'ai réussi à vivre, à toujours dormir au chaud. Donc je pense que les gens, il faut qu'ils y mettent tous un peu de la bonne volonté dans ce moment difficile. Et il y a moyen de trouver des solutions avec le woofing. Je ne sais pas si vous connaissez cette formule-là. Elle est géniale, c'est un échange de savoir. Et moi, j'ai appris en 1 an et demi tout ce que j'ai pu connaître. C'est incroyable. Et voilà, quoi. Moi, si vous voulez des plans pour vous évader mentalement, ben voilà, je peux vous en donner. Moi, je peux vous apporter ça. Voilà. Merci bien, au revoir. Merci. Et alors, bon, on avait mis une règle au début de la journée, mais comme vous êtes arrivé en cours de route, c'est qu'aujourd'hui, on essaie de ne pas parler de nous, en fait. D'essayer, dès qu'on voulait parler de nous, de transposer à une autre personne, enfin voilà, de parler de façon générale. Voilà, mais vous pouvez pas le savoir. Et puis, c'est pas non plus évident à appliquer comme ça en 2 secondes, parce que nous, toute la journée, on n'a pas forcément réussi. Donc, voilà. Emmanuel. Un enjeu qui est important à prendre en compte autant sur l'atelier qu'on a fait que par exemple sur le fait d'apprendre des choses dans le mouvement. Un des enjeux, c'est l'humilité. partir, arriver sur la place ou arriver quelque part en disant je ne sais pas, ou alors en disant je suis prêt à apprendre, ouvre déjà pas mal aux autres. Et en fait, si on est venu ici pour les ateliers, je pense, pardon, que c'était parce que justement il y avait cette conscience humble de se dire il va falloir que, enfin, sans se confronter aux autres par un atelier, par les autres, par le jeu, ça ne peut être que des déductions personnelles, donc on ne peut pas aller au bout du cheminement. Et c'est vrai que on manque, je crois, tous, je comme tout le monde. Ah non, mais là c'est un jeu négatif parce que je tiens à l'assumer. On manque tous un peu d'humilité au sens où pour militer, pour revendiquer des choses face à une société, un gouvernement et autres, il faut s'affirmer. Et s'affirmer tout en étant capable de dire je m'affirme, mais peut-être que j'ai tort, donc je suis capable de me remettre en question, c'est très difficile. Et c'est vrai qu'on passe assez peu de temps à se dire tiens, on apprend des choses et on va le mettre en application. C'était un sujet de conversation qui était venu il y a quelques mois. C'était depuis le début de Nuit Debout, qu'est-ce qu'on a changé dans nos quotidiens? Qu'est-ce qu'on a réellement appris? On a appris sans doute à militer, à faire de nouvelles choses, mais est-ce que c'est quelque chose qu'après on a transposé dans les vies personnelles, qu'on a transmis encore à d'autres personnes, et ainsi de suite. Et en fait, finalement, on parle par exemple beaucoup d'écologie, mais il n'y a pas grand monde qui a réellement commencé un compost cet été. On parle beaucoup de lutte contre les banques, mais qui a fermé son compte en banque? Enfin, en fait, Vous avez fabriqué un jour un lombricompost et le tuto n'est même pas en ligne. Bouh. Je provoque, t'inquiète pas. Et non mais je provoque, voilà. Donc voilà, un des enjeux donc c'est l'humilité et du coup être capable de se dire je peux me tromper. Et c'est être capable de se dire, ouvrez les guillemets, je peux me tromper, ou ouvrez les guillemets, je peux avoir tort. Et c'est un prérequis qui est difficile parce que ça fait pas plaisir en général. Et notre société ne valorise pas ces comportements-là, mais c'est des comportements essentiels pour tendre vers les autres. Et ça s'apprend et c'est compliqué. Là, les personnes qui étaient ici sont venues parce qu'elles l'avaient consciemment ou inconsciemment en tête. Les personnes qui ne sont pas venues, je pense, c'est parce qu'elles ne voyaient pas l'intérêt. Et quand on ne voit pas l'intérêt, c'est qu'en fait, on n'est pas prêt à se remettre en cause. Et ça va être un très long travail pour tout le monde. Du coup, si l'organisation peut éviter de le déconcentrer cette fois-ci? Ah, c'est bon, là, j'ai... Non, en fait, la difficulté, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui sont... Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, que moi, c'est ce que j'ai ressenti dans cette fameuse AG qui était très mouvementée, enfin, les deux, c'est des haines qui sont mais vraiment fortes et qui n'ont pas envie de se remettre en cause, donc ouais, c'est quand même compliqué. Par contre, ce que je vois, par exemple, moi, il y a un truc qui me... C'est que moi, je suis un inconditionnel d'éducation populaire. Et je vois l'éducation populaire, bah, on parlait d'apprendre, moi j'ai appris plein de choses. Hein. Chaque fois que je viens là, hier encore, signifiant zéro, je ne sais pas ce que c'était maintenant, bah, là, j'ai entendu parler du signifiant zéro. Enfin, on apprend des choses, quoi. Il se passe des choses. J'aurais voulu même hier que ça continue tellement c'était intéressant le débat et tout. Mais bon, voilà, on est pris par le temps toujours. Voilà. L'éducation populaire, justement, c'est un bon exemple où il y a quand même... Il y a moins de tension, je trouve, que dans une AG particulière. Pourquoi? Ben, ça, est question qu'il faut se poser. Et est-ce que, par exemple, quand on appelle à la sérénité dans une AG où ça devient trop dur et qu'il n'y a rien à faire, comme ce que j'avais fait, moi... pardon. J'ai dit je. Faut pas dire je. Bon, c'est compliqué. Hein. Oh non, c'est compliqué. Là, hein. Bref, quand il y a eu des appels à la sérénité à l'AG où c'était très tendu et que ça changeait rien, est-ce qu'il faudrait pas, justement... essayer de stopper l'AG et créer une espèce de jeu dans l'AG qui fait que ça ferait baisser les tensions, enfin faire quelque chose, parce que c'est vrai qu'il y a des fois ça fonctionne qu'il y ait moins de tensions quand comme par exemple l'éducation populaire, il y a moins d'enjeux, c'est peut-être pour ça aussi, enfin je sais pas, et il y a moins de tensions, je vois, il y a eu moins de rapports violents entre les gens à l'éducation populaire que dans une AG, pourquoi ? Voilà, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'il faudrait pas essayer de transposer des moments, par exemple, je sais pas, c'est une idée hein, que je propose, je me dis, est-ce que l'idée ce serait pas qu'à un moment donné, au lieu de faire le signe sérénité, puis que ça se passe, il se passe rien, puisqu'en fait on n'a pas le rapport de force, etc. Est-ce qu'il faudrait pas justement que les gens dans l'AG, on soit tous dans l'AG, et qu'on décide, voilà, maintenant il y a de la tension, on change carrément la forme de l'AG, on passe à un truc de jeu, et après on revient là, au truc de tension. Est-ce que ce serait pas une idée, quoi, pour que la tension abaisse, parce qu'à un moment il faut stopper le truc, et le truc il stoppe pas parce qu'on continue, et on a beau faire des machins avec notre petit signe de sérénité, il se passe rien, même si on est plusieurs. Donc est-ce qu'il faudrait pas à un moment décider collectivement d'engager, on dit tiens, maintenant la sérénité ça va être, on change le mode, on passe en un mode, en un espèce d'un autre mode de jeu, qui fait que la tension abaisse, et après on revient à l'âge normal. On ferait, je sais pas, un truc de genre 5-10 minutes où on serait dans un jeu, où les gens, ils seraient, je sais pas, ils auraient des rôles, on leur donnerait des rôles, ou je sais pas, ou... Voilà, enfin bon, c'est des idées comme ça. Et puis, voilà, et à un moment donné, c'est pas... Il y a des gens qui sont dans une haine, voilà, et bon, bah, faudrait qu'ils s'expliquent aussi pourquoi ils sont dans une haine, comme ça, et que... Pourquoi les gens ils veulent pas rester sur ils campent sur leur position, ils veulent pas un peu lâcher un peu, donner un peu de laisse pour qu'il puisse y avoir un terrain d'entente, qu'on soit pas dans la montée des extrêmes, comme dirait Clausewitz, voilà. Enfin bon, c'est des idées, quoi. Est-ce qu'on pourrait pas changer la fameuse sérénité, quoi, dans l'AG, et faire en sorte que, ouais, je sais, bon, j'arrête. Alors moi je pense que pour casser les tensions, parfois aussi un bon élément c'est la désobéissance. À mes yeux, quand il y a un mouvement de foule où tout le monde est contre ci, tout le monde est contre ça, que on n'a pas le droit de faire ça, ou on en parlait par exemple avec la charte, où on interdirait à des commissions de faire ci, ou alors on interdirait à des personnes de manifester, je pense que la désobéissance a une force libératrice qui permet après d'être plus serein. C'est-à-dire que quand on est capable de se sortir de soi, on a après une capacité d'être en phase, on va dire, avec soi-même, et que la désobéissance est une arme de destruction massive contre des tensions, des haines, des habitudes, des positions immobiles. Mais là, du coup, pour le coup, je suis pas du tout d'accord, parce que la désobéissance montre bien les limites de la chose, mais ça crée des tensions, parce que quand une personne, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, dit il faut faire ça ou pas ça, c'est la personne va le prendre comme une gifle, cette désobéissance, parce qu'en fait ça veut dire, en gros, je m'en fous de ce que tu dis. Et donc, en fait, ça peut effectivement, il faut pas se laisser arrêter par des choses comme ça, mais dire je m'en fiche, je désobéis, c'est donc une négation de ce que la personne dit, et que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons, elle va très mal le percevoir et très mal le vivre. Donc, c'est provocateur, et voilà, c'est pour ça que j'aurais tendance à dire que de l'absurde ça marche plutôt pas mal, parce qu'en fait, la raison pour laquelle les assemblées, il y a tellement de tensions, et ça s'est beaucoup vu aussi dans des certaines commissions, c'est qu'en fait ça dépend des sujets. Sur les enjeux démocratiques, les gens le prennent tellement au sérieux, c'est perçu comme quelque chose de très grave, avec une immense portée, donc il faut le faire sérieusement. Et donc si c'est sérieux, on rigole pas, donc il faut y aller, et c'est là où le début des tensions. En fait, c'est vraiment dans la perception. Plus on va trouver un sujet grave et important, moins on spontanément on aura de facilité à en rire. Et c'est pour ça que, par exemple, enfin, il y a eu une chanson sur les gestes d'assemblée, sur le rythme de Elle descend de la montagne à cheval. C'est ridicule. Mais justement, ça dédramatise complètement l'agressivité que certains voient dans les gestes, le sérieux des assemblées, et ainsi de suite. Et du coup, une des armes qui est intéressante, c'est justement la désobéissance, mais par l'humour, par l'absurde. C'est montrer les limites d'un raisonnement en disant « Non mais attends, si tu pousses, ça va jusque là, vraiment. » Et là... C'est moins violent que de dire non, je suis pas d'accord. Et en général, parce qu'il y a des personnes qui le prennent très mal, mais en général, les personnes se rendent compte que effectivement c'est absurde. Et du coup, ça permet d'ouvrir les choses. Mais c'est très compliqué parce que plus un sujet est perçu comme sérieux, moins les gens ont envie d'en rire. Et c'est pour ça que faire un équilibre des choses, c'est compliqué. Ouais. Alors j'ai déjà deux paroles, trois. Et ouais, c'était le suivant. Et ensuite on va bientôt conclure, donc je peux encore en prendre deux ou trois derrière, mais voilà, on va conclure ensuite. Merci beaucoup. En fait, j'ai l'impression que finalement, lorsqu'il faut aller dans le sérieux, finalement soit on est trop sérieux et du coup on peut pas comprendre le sujet, on est pas en raccord avec ce qui est dit, soit finalement on est pas assez sérieux, et dans ce cas-là, on s'en fout un peu. Moi, je trouve que c'est un peu trop concluant, je trouve que ça va un peu trop vite, et que c'est pas forcément vrai. Pourquoi ? Parce que, effectivement, c'est un sujet sérieux. Quand on parle de sujet sérieux, c'est-à-dire que c'est un sujet qui importe à chacune des personnes qui est autour de cette assemblée. Et je sais pas si c'est une assemblée, parce qu'on a parlé d'assemblée et de tension. Moi, j'ai jamais, en tout cas... Est-ce que c'est une assemblée, ici, déjà, pour avoir la définition ? Non, bon, voilà. Voilà, c'est un atelier. Donc, déjà, on est d'accord. C'est... Voilà, c'est pour ça qu'il faut savoir de quoi on parle. Quand je parle de citer ses sources et de vérifier de quoi l'on parle, je parle de ça notamment. Mais la désobéissance, comme vous l'avez dit, c'est pas forcément le mal. C'est pas, vous avez pas dit que c'était forcément le mal, mais peut-être que quelque part, il faut un moment. Et moi, j'ai l'impression en fait d'avoir irrité certaines personnes, monsieur par exemple, lorsque j'ai dit que il faut un moment. L'humilité, on a beaucoup parlé d'humilité, mais c'est pas parce qu'une personne a une connaissance qu'elle n'a pas d'humilité. Moi, si je suis là, que je sois là ou pas, ça va rien changer à ma vie. Mais est-ce que je peux changer un peu le quotidien d'autres personnes qui viennent autour de cet endroit-là ? Peut-être que oui, je ne sais pas. Moi, en tout cas, ça fait 3 mois, je vois finalement qu'on parle toujours des mêmes débats, on revient sur la même question. Et que je me suis demandé, finalement, est-ce que c'est parce que sur le cas de l'automatisation de l'informatisation, parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Et oui, c'est le cas, on ne sait pas de quoi on parle. Et moi, je vais apporter, sur ces points-là en tout cas, des précisions. Mais plus généralement, moi je pense que les gens qui viennent autour ici, là, qui sont tous présents, ils ont l'humilité. C'est pas parce qu'ils ont des connaissances qu'ils ne sont pas humbles. Au contraire, ils viennent apporter leur pierre à l'édifice. Mais je pense qu'il faudrait peut-être sortir un peu de ce cocon-là, un peu de ces inepties qui est de dire que finalement, ces gens qui ont la connaissance peut-être apportent des choses qu'on ne sait pas forcément et du coup, ils sont dans un autre monde qui est autre. Je pense pas. En tout cas, mon ami qui est là voulait dire un mot avant moi et je lui passe le micro. Merci, désolé, je grille une place. C'était pour répondre à vous, madame, parce que j'ai pas forcément compris tout ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'il fallait pas forcément se prendre au sérieux. Et ensuite, sur votre avant-dernier discours, vous avez dit qu'il y a ceux qui ne viennent pas ici ne se remettent pas en cause. Et je voulais dire, supposons une personne qui vient ici, c'est la première fois qu'elle vient ici, d'accord ? Elle voit qu'en fait, elle voit que ce sont des sujets qui ne sont pas forcément sérieux, où elle va se rendre compte que justement, on tourne tout le temps en rond sur le même sujet. Elle va se dire que ce n'est pas intéressant. Le fait de se dire que dans ce cas-là, le débat n'est pas intéressant, vous pensez que justement, elle ne se remet pas en cause ? Parce que moi, c'est ce que j'ai compris justement. Je pense que justement, si on veut faire avancer les choses, justement, je pense qu'il faut apporter des arguments sérieux. Être sérieux, ça ne veut pas dire s'embrouiller, ça ne veut pas dire etc. C'est-à-dire... Ça veut pas dire non plus. Voilà, ça veut pas dire que je n'ai pas tort non plus. Mais on peut apporter des arguments sérieux pour faire justement avancer le débat, justement pour tous ceux qui viennent pour la première fois ici, qu'ils puissent se dire ah oui, c'est vraiment un débat sérieux. et on avance. J'aimerais bien comprendre pourquoi vous faites ce signe et je vous donne le micro. C'est point technique. Ce signe veut dire point technique, monsieur. C'est juste qu'en fait, là, il y a des. Là, c'est que vous n'êtes pas au courant. En fait, c'est pas facile pour les gens qui viennent de l'extérieur. C'est qu'en fait, il y a aussi des allusions à tout un relationnel de Nuit Debout qui existe depuis le 31 mars. Il y a eu des tensions entre des gens. Et en fait, bon, vous les connaissez pas, ces tensions, vous êtes pas au courant. Donc c'est d'où la difficulté, voilà. C'était le seul point technique que je voulais faire, voilà. C'est que en fait, il y a des allusions qui sont faites à des choses que voilà que vous pouvez pas comprendre tous les deux, par exemple, parce que vous les avez pas vécues. Je passe le micro à Emmanuel. De manière un petit peu moins expluante. En fait, le thème de l'atelier aujourd'hui, c'était mieux se comprendre et mieux échanger et ainsi de suite. Donc en fait, quand je disais les gens qui ne sont pas venus ne se remettent pas en question, enfin ont moins envie de se remettre en question, c'est justement par rapport à l'atelier. C'est-à-dire que par rapport à l'atelier, les personnes qui sont venues, soit parce qu'elles sont là très souvent, soit ponctuellement, sont des personnes qui se sont dit « j'ai besoin ». D'apprendre, enfin, participer à cet atelier va m'apporter quelque chose. Si tu es persuadé de savoir très bien comprendre les gens et de très bien savoir communiquer avec eux, ben, cet atelier ne te sert à rien. Donc, pour participer à cet atelier, pour lui trouver un intérêt, il fallait qu'il y ait, de la part de tout le monde, un petit peu d'humilité et d'envie de comprendre et donc d'aller vers les autres. C'était ça le fond sous-jacent de tout ce que je disais. Dans ce que j'ai compris de ce qui est ressorti de ce qui a été dit depuis tout à l'heure, c'est que un des gros problèmes dans la communication, quand on est sur un débat sérieux, comme c'était dit, c'est que les gens ont tendance à se crisper sur leur position et à percevoir une opinion différente de la leur comme étant une agression, puisque c'est en désaccord avec leur opinion. Et là où on a tout un travail à faire, ça avait déjà été évoqué précédemment dans d'autres ateliers, c'est apprendre à écouter l'autre, à percevoir, accepter son opinion, pas l'intégrer pour soi, mais comprendre que chacun ne pense pas de la même manière. Et je pense qu'un outil pour ça, c'est justement la dédramatisation. Je ne sais plus si c'est de Mark Twain, mais en tout cas Mark Twain l'avait repris, c'est « la vie est une tragédie, n'en faisons pas un drame ». Bonjour. Moi, j'ai été, pas ici beaucoup, mais j'ai été très active dans la crise étudiante du Québec il y a quelques années. Et pour parler de dédramatisation, il y a eu, entre autres, une manif qu'on a faite nue. Voilà. Et il y avait eu une photo qui avait circulé sur les internets avec une femme voilée et l'autre dame qui était à poil. Et tout le monde souriait et c'était le gros party. Puis, il n'y avait pas de problème. Ce qui, après ça, sur la toile, il y a eu un enchaînement de commentaires, mais complètement ridicule. Puis, il a fallu en parler, tu sais. Bon, pour plusieurs raisons, pour des raisons culturelles, pour des raisons morales. Puis, on en est juste toutes venues, à un moment donné, à se dire que c'était ridicule. Non, mais voilà. Fait que j'écoute ce que vous me dites, tu sais, par rapport à, justement, avoir beaucoup d'humilité, puis, justement, devoir communiquer, puis... arriver à quelque chose peut-être dans le milieu de tout ça, puis ben voilà, tu sais, je veux dire, je pense que chacun fait ce qu'il veut, tu sais, en autant que qu'on blesse pas l'autre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Mais du coup, on n'a plus de tour de parole et on va conclure. Hein. Voilà. Oui, tu veux la conclusion, c'est ça? Ok, merci. Bah, la conclusion de raison, c'est, à chaque fois c'est pareil, c'est des merci. Mais franchement, merci beaucoup de votre participation, qu'elle soit été de 15h ou 19h30. On s'était fixé le créneau de 19h30, c'est très très très sympathique. Jeff veut dire quelque chose. D'accord. Donc voilà, encore merci. Moi, ce que je constate, c'est qu'à chaque fois qu'en fait on fait participer les gens, qu'on les fait écrire sur des papiers et qu'on leur tend les micros, c'est toujours assez... intéressant ce qui se passe. C'est la deuxième fois qu'on le fait. Ah, j'ai mal à l'oreille. Donc du coup, je pense qu'on va, enfin, en tout cas j'espère, recommencer cet atelier ou d'autres ateliers où on écrira plein de choses dessus et construire. Voilà. Donc après, on va tous prendre, bah, aussi réfléchir un peu, prendre de recul. Et alors, éducation populaire, tiens, c'est mon côté commercial. Ouais. Ah, pardon. Éducation populaire, atelier, quelle société veut-on, le vendredi de 18h à 20h sur cette même place. Nous sommes le samedi de 15h à 19h, dimanche 15h à 19h. La semaine prochaine, normalement, si tout se passe bien, nous devrons parler d'écologie avec Notre-Dame-des-Landes. Le 15, nous ne serons pas présents puisque nous serons dans la manifestation TAFTA-CETA. Et le 16, nous parlerons de la journée de la misère qui est le 17 officiellement. Voilà, c'est un peu pour l'instant les seules infos que je peux vous donner. Encore deux, pardon. Il n'y a pas d'AG. Voilà. Nous, on est pour l'instant, voilà, là, c'est éducation populaire. C'est l'éducation populaire dans Nuit Debout. Voilà. Donc, Nuit Debout, après, de temps en temps, fait des AG. Mais... on est bénévole aussi. Et bah, on va vous faire passer la boîte à dons, puisque on a besoin de temps en temps de sous-sous pour notre matériel, pour faire des très belles affiches comme on a fait là, et puis vous proposer du matériel, voilà, un peu décent. Donc Adèle est là. Donc n'hésitez pas, merci en tout cas pour votre générosité, comme on dit. Merci à Jeff, pour ton, là je te dis ton nom, mais pour ta participation, l'artiste. Jeff l'artiste. Et voilà, je vous souhaite vraiment une très bonne soirée. Et puis bah, on se retrouve très bientôt ici même, j'espère. À bientôt, au revoir, merci. Je ne sais plus.